kisangai sokyo linga kangai na mote mana yo miso mate linga mbona kosela nanoke limula mbona kosela yo fifi manare loka makasi oyebi sarapena Eric Tontolo Maboko, mabengi fatu jo. Sakate na la vie maman kitoko ya mwasi baweli sakate na la vie papa angana ndimi nangana bala beti kapamba angana poni nangana bala zinaza angana ndimi nangana bala neli bomei angana ndimi nangana bala sisi manto sisi sisi sisi yala yala Yala, yala mo, yala, yala be, na lela fatu jo. Na kote kabila ma bolo yo talian, na kote kaba bishu bolo yo maisha, mote malanga na pesa na yo, esangi mo mikolo pase kusangi. Minata, le bon sanité, l'homme fort. Photo Joël Bétengue. Bétengue, photo Joël. Toujours très fort. Golden mon amour. Motema nanga tika ko tungisa ngai maloba yo pesa kinga e trouble nga bungo na komi komi tuna nini nga na salite mbona bolingo boyo e koma boye eh na kolela sele chipi solo yo zongela ngai na kolela saudian chipi solo yo zongela ngai Bolingo nanga na pesa ki oboyi kozongisela ngai Angai angai bolingo ekomi nde malheur Angai angai bolingo ekomi nde malheur chance Natikali na mawa uta yokenda Na komi komi tuna na katia motema nanga Soki ya solo saudia na boinga Ah, chérie, ta fouba. Mais il y a des balles à faciliter. Pas même le samadé dans la banale. La seigneur, pardon, à la John Mbaye, à Boy Koyoka. Pour la nuit, chérie, pour la raboye. Libala solo et banda canabo, moana. Saoudien et l'autre, koutani, naï, naïo. Souci et photo, manda, kona, moté, mananga. Nazali kobanga no kinga na zanga yo Radio okika fuka se valwa Selena pose mo batela ka komona nga Kumbo ya la danse ya ngolo sango na yo Nasilo bota Libala solo eva na kanabo mwana Saudi ya lelo tokutani nga ina yo Sankara de Kunta Susi ekoto mandako na motema nanga Nazali kobanga no kinga na zanga yo Saudi anakose mbatela ka kumbo nanga Kumbo ya la deste ya ngolo samona yo Jamais trop tard dans la vie. Oh, moi, na moto. Loco la rose ma tondele, chérie na ngao. Loco la PDG ma kamona, chérie na e. Loco la mpe, rojani va merando. Loco la mpe, serge kasa na e, serge kase. Oh, nga na le layo. Papa, le président Adam Bombole, voyons qui consens à Pétino Lanès, et c'est qu'on va comme un moment à la cadenate, trop de musiciens forcés. Pour le premier à Zalagati, tant que l'on est bandaka, donc à Zalagati, on le billet passe les monuments, les chansons de la bourse, faut apprécier l'homme à son époque. Rocky, la Silva, Sami Wadi, Natina Manga, Ibena Zwari, Tabola. Pona sale la kabato Moto na linga ki makasi Iwana boye kozwe Lene koma li kambo ya mawana motema firijana Atandele na kozwa nga la dense Atandele na kozwa nga pichu kifaya Atandele na kozwa toste bamboma Atandele na kozwa luke bufangie Elimina ngomba le bifo kobina yango na tipka et pas la reine Aminata na le millionnaire et pas la fatu Joe grand pays Washington oui vu que balobe la yo comme ça le yo kanga na mo malembe moi si nous sati na mataka balokola yo le stop pacheli président. Mate na banala Epa ya yemei Le gouverneur biblo sur le foulou Kina yango toujours Aya attaque sa requille Pas de négociation jusqu'à la fin du monde Pour ramène La bolse José Congolo Ibako Mama Bina na nga ya koka mama Tala nga ebandeliti na suka wani Janji Kolombo Alemba Indo Aido Mongo Ike Lufelela Pacho Panda Jack la Bissette de Panama J.S. Soniman, Soniman, Soniman Kola même Cornelie Malone Ahmed Mala Ndeke bapu ebisaka Moninga Motema yeko tungisaka Tungu ya lilu Batu ya mboka bayeko sekanga Kaluchango na kumisaka mona nakate Natika laliko nzia na kuna memangambo Kaluchi Nazangi kilo na nzoto Kaluchi Ya kapotalanga Bona yebisanga mokoloko ya kotalanga Na sepela fesi nanga Omotema moko jibondo we Bahonga bako mikoka Mwantoro yibala ekomisaka Moto kilao We mazambe Nalinga yo Na motema nanga mobimba yo Kolinga nga lokola Ezala negalite yangu Nalinga yo na motema nanga mobimba yo polinga nga lokola ezala negalite yango Fote na yo yo tika nga na basi bolingo bona yo kende lokola eye nga ya nowele ele kakambala moko na mbula ma boyebi Zonga ponanga na koko kate Nuzala kayo moko na bolingo Olobaki yo kobalanga Mobali atalo Mobali ansango Sabi watido Bolingo kende o zonga kate Kora mene o kakolanga Nani bonai Mawa papa Lokolo kende Pasinanga Natika lipamba Bye. moto liele kie Yo gato li Mokili ndenge moto boyo Yo gato li alevona Mokili mwana li salome Yo wamarike La beauté divine au cœur de la Bible Neli mose et mosex Et l'or à ma casse Babo sanite ma son enfant Joli mariala Moninga ya costa sa soumani Ange koi Freddy Mao la Belgique Vicky Dondo Anastasie Baby touche. Les guerres, ça peut être aussi avec les biens, ça peut être aussi avec les mal. Mais ça n'a pas qu'à pas. Non, mais tous, nous n'avons pas mal. Ah, viens, on a mon corps à d'abombole. Anite, pour yon, quand j'ai mon élevé. Natango yakala, toyoka naka buete. Moto akolinga ka moninga na yeseli pela. Yokelanga wayona kunzimba lelu. Izali nati na monene, chéri ya mundu. Yelengo, motemelinga nini ye, awayoko kende, mama. Monene, chéri amunu, yelengo, motemelinga ninye, awayoko kende, mama. Frida mouche mama, eloko nini e baby si yo motema lelo yo yo la pisolo seleka yo tiki mana mawa. Bizi beli e fumwa mi pweza nina no mosika. Mawa Elungwe ngana mpongite sekoloto Butu eleke linga boye kaka seko banza kayo Frida mouche, ungana la tapili ya bolingo Ungana tunatuna na sali yo nini Na mona yo wapi, natuna na nani Frida musika Elle s'appelle Frida Mouche, la meilleure carte d'Europe. Mouchale na kotuna mpesa nga ibolingo Mbote batongo kongana bakula dena e Papi misaka Mouchale na kotuna mpesa nga ibolingo Mbote batongo kongana bakula dena e Nazali motangi na eklesia mobimba Roja sekata likambo oyo papa Aye ye ye Mouchale na kotuna mpesa nga ibolingo Mbote batongo kongana bakula benda ye Ba papa na kobele la mpo na yo mama Frida ye na kobele la bolingo nanga Na kobele la mpo na yo mama Na kobomba talikambo na mote malanga Nakoko mayango na roma ezala lisolo Bateka biju na zandwe Basomba kaye na mosolo nzambe o Yo yo Ayo yo yo yo Frida mush zonga mama Olongo langa isusi na motema Eko miyango tuta Ayo yo yo yo Frida mush Zonga mama, olongo langa isusi na motema Eko miyango tuta De la nabwa si kitoko na Belgique Oye msa rapen na merete Oche kia la pe si bino permission po bobi misana ba juno ko mama tata mabena ngai o nazalaka moto ya mpia kalelo na koma na mbongo ye yi mokili bongo o ba fami balingaka yanga na yo te mama na tuni tuni soki bijou ya kokoma Geneve lelo sali boye makambo ebimi mingi sirema limoni bolingo yanga na yo ekoma ngambo oye Hélène Château Rouge, mon bembo zali wate. Balingi yo tika kosale nzombo mama. Bolingwe zali mpe loko ya lisano teo. Tolinga na yo yo yo. Bijou na nga motema ye. Yoko ya lalelo. Anga na gegete. Na miso ya bato okakola nga lokumu ekitatalo lisano ya nyoka anga na kima bato na bongola loposo nga na songelenge na silisa soni na miso ya bato makambo mbeze na ezali sukali lokola mafuta ya nzoi Yangwela mwisinga boye Jose Mukeba ho mwana mama Yangwela mwisinga boye Francis de Gaulle oh Ponga na salina ngai Fere ya mwinda mimi Yosukola ngai malembe Mishuna nga motema ye Yosukola ngai malembe Yosukola ngai malembe Mbawela na biya prese mingi Yosukola ngai malembe Na Charles Roy pas du vin fou l'ampongo Je reviens de l'Europe de mon arrivée à Kini Je n'ai pas trouvé ma vie et c'est un volet pour l'Obumba Le village de Yula Bosse ami de Adichi Mongombe Francis de Gaulle Mwana mwana mwamba fou aye Api Kampongo Koko Nyata Mashike Mafuta José Mouala Ya Dodo Je reviens de l'Europe de mon arrivée à Kini. Je n'ai pas trouvé ma vie et c'est à voler pour l'Obumba. Le village de Yula Bosse, ami de Adichi Mongombe. Merci de Gaulle, moi n'a pas la momba fou aïe. A pika pongo, koko diata ma chique ma fouta. Son Excellence, ambassadeur Kishabona, président de Lille. Eloko ninyango na salam poyo ni manga Eloko ninyango na salam poyo ni manga mama haha Je reviens de l'Europe de mon arrivée à Kini Je n'ai pas trouvé ma fille et c'est à voler pour l'Obumba Le village de Beyi Kanto Mawalanga, mawa, mawa, Je reviens de l'Europe, de mon arrivée à Kini. Je n'ai pas trouvé ma vie et c'est à voler pour l'Obumba. Le village de Yula Bosse, ami de Adichi Mongombe. Francis de Gaulle, moi non, on a mon bafou aïe. Api Kapungu, Koko Nyata, ma chique, ma fouta. Ma famille, la Belgique, Moussika, je t'oublie le mba. Si kayata mi te manabino, mi kumana na teo. Si kayata mi te manabino, mi kumana na teo. Bondi me la kanzambe, bondi me la penga. Bondi me la kanzambe, bondi me la penga. Chance ya yula bolse ebisanga emerite soki bokutani bakope simaka yango wana alinga kotiko na nzela mabete alor bino na ye liwakake kokabola bino moimwelo ozalaka porte ya bachance ya la reine aminata o ayebisanga emerite soki bokutani bakope simaka yango wana alinga kotiko na nzela mabete alor bino na ye liwakake kokabola bino Je reviens de l'Europe dès mon arrivée à Kini. Oh, je n'ai pas trouvé ma vie et c'est à voler pour l'homme. La bico, le village de Yula Bosse, ami de Adichi Mongombe. Francis de Gaulle, moi n'en ai pas mon bafou aïe. Abika Pongo, Kokodia Tamashike Mafuta. Salon élégance, Elisabeth hey, Bijou hey, Mouma, hey, Hélène, la rose de Château Rouge, Bijou, hey, Bijou. Hey, See you. kala kondili nzimbuwe janji koroma ikala kala kondili nzimbuwe ikala kala kondili nzimbuwe mao mabuya ya mabuya ya mawe mabuya ya mabuya ya mawe shitulo maya mukasi na ikala imakango mubala bala lokwe Mugenge shikema Elo kwena kima Mugenge shikema Yaka pala sika kindani Elo kwena kima Mugenge shikema Yaka pala weanso ye papa Yaka pala ya jenze yo yo yo Elo kwena kima Yeah. Matana matana, jaluna ye, evangile lobi, matana matana. jamais, plus jamais. Na timbi saba yu malelo ba finga yo yo. Est-ce que toi c'est moi? Non. Bote no sela nga sherife na moi makasi na kotala na la lite. Qui a dit, bah, quand on a mon pépé, t'es dit.